Körner. Appel, 1813. En avant, mon peuple. La fumée annonce la flamme. La lumière de la liberté s'élance du nord, vive et brûlante. Il faut tremper le fer avec le sang des ennemis. En avant, mon peuple. La fumée annonce la flamme. La moisson est grande, que les faucheurs se préparent. Dans l'épée seule est l'espoir du salut, le dernier espoir. Jette-toi bravement dans les rangs ennemis et fraie une route à la liberté. Lave la terre avec ton sang, c'est alors seulement qu'elle reprendra son innocence et sa splendeur. Ce n'est point ici une guerre de rois et de couronnes, c'est une croisade, c'est une guerre sacrée. Droit, mœurs, vertu, foi, conscience, le tyran a tout arraché de ton cœur, le triomphe de la liberté te les rendra. La voix des vieux Allemands te crie « Peuple, réveille-toi !» Les ruines de tes chaumières maudissent les ravisseurs, le déshonneur de tes filles crie « Vengeance !» Le meurtre de tes fils demande du sang. Brise les socs, jette à terre le burin, laisse dormir la harpe, reposer la navette agile, abandonne tes cours et tes portiques. Que tes étendards se déploient et que la liberté trouve son peuple sous les armes, car il faut élever un autel en l'honneur de son glorieux avènement. Les pierres en seront taillées avec le glaive et ses fondements s'appuieront sur la cendre des braves. Fille, que pleurez-vous? Qu'avez-vous à gémir, femme, pour qui le Seigneur n'a point fait les épées? Quand nous nous jetons bravement dans les rangs ennemis, pleurez-vous de ne pouvoir goûter aussi la volupté des combats? Mais Dieu, dont vous embrassez les autels, vous donne le pouvoir d'adoucir par vos soins les maux et les blessures des guerriers, et souvent il accorde la plus pure des victoires à la faveur de vos prières. Priez donc, priez pour le réveil de l'antique vertu, priez que nous nous relevions un grand peuple comme autrefois. Évoquez les martyrs de notre sainte liberté, évoquez-les comme les génies de la vengeance et les protecteurs d'une cause sacrée. Louise vient autour de nos drapeaux pour les bénir. Marche devant nous, esprit de notre Ferdinand. Et vous, ombre des vieux Germains, voltigez sur nos rangs comme des étendards. À nous le ciel, l'enfer cédera. En avant, peuple de braves, en avant. Ton cœur palpite et tes chaînes grandissent. Qu'importe qu'ils s'entassent des montagnes de tes morts, il faut planter à leur sommet le drapeau de l'indépendance. Mais, ô mon peuple, quand la victoire t'aura rendu ta couronne des anciens jours, n'oublie pas que nous te sommes morts fidèles et honore aussi nos urnes d'une couronne de chêne.